Allô, c'est moi. Écoute, faut que je te parle, ça y est, c'est plus possible là. Ça devient trop, hein. C'est trop dur là. Je veux absolument qu'on arrête nous deux. Non, non, je suis sérieuse. S'il te plaît, on arrête. S'il te plaît, me fais pas ça. Insiste pas. Ça devient trop dur, s'il te plaît. Non, je veux plus, c'est fini. Non. Ça me rend dingue, nous deux, ça marche si fort. Je tiendrai pas, je sais que c'est toi la seule jusqu'à la mort. Je m'en fous que nos pays soient en guerre, ils ont chacun leur tort. T'es dans ma tête, chaque soir je redessine ton corps. J'étais dans la peau et sans toi j'ai plus le goût de réussir. Je suis prêt à partir avec toi, je veux construire mon avenir. Te voir enceinte, voir tes larmes et te voir sourire. Douce sur mon torse, te sentir dormir. Dans tes bras à bout, le monde est trop petit pour nos deux cœurs, mais je vois pas le bout. Je manque de rêves, de sueur, de tes larmes et de ta bouche. À force de guerre, de peur et d'espoir, ils veulent nous perdre. Mon père te hait, car ici on ne vit pas en paix. T'as tout ce que j'aime, ta photo c'est tout ce que j'ai. C'est fou ce que je t'aime, pour toi je donnerai tout ce que j'ai. Mais amour, t'es où? Fais ta vie, ne m'attends pas. Y'a pas de place pour toi ici, l'amour est mort dans l'attentat. Mais comment mêler nos deux vies au-delà de nos pays? Brisons les frontières que rien nous sépare. Nous sépare. Comment mêler nos deux vies au-delà de nos religions, car nos deux cœurs s'aiment. Si ton père dit que t'es promise à un autre, je suis prêt à fuir avec toi au-delà de ses côtes. Et s'il y a rien qui nous retient, alors traçons ce chemin. Moi, je me suis mis à dos des soi-disant frangins. Et je crois que ça me tuerait que tu me dises que tout ça sert à rien. Car c'est à toi que je tiens, au-delà de racisme, mais qu'est-ce qu'on devient? Pour toi, je vais bousculer les mentalités fermement. Pour ce fier moment, ce grand moment avec mon diamant. Je peux pas rester insensible à ce que tu me dis. Mais tu sais que c'est impossible, car on a tous qu'une vie. File, fais la tienne. Pars, fais pas n'importe quoi. Notre idylle ne mène à rien. Faut vraiment que tu me sortes de toi. Je suis promise à un homme depuis que je suis môme. Peu importe la norme, la coutume pèse plus que les mots. Ce monde prend de l'âge, mais j'ai pas le choix. Si tu savais, j'aimerais tellement prendre le large avec toi. Mais comment mêler nos deux vies au-delà de nos pays? Brisons les frontières que rien nous sépare. Nous sépare. Comment mêler nos deux vies? Comment? Au-delà de nos pays, au-delà de nos religions, car nos deux cœurs s'aiment. Cette force, on peut la voir qu'ensemble. Cette belle vie qu'on attend, on peut la voir qu'ensemble. Traverser ces dures étapes, on peut le faire qu'ensemble. On contredit pas le destin qui nous pousse ensemble. Et tu verras, je suis sûr qu'on se trompe pas de faire comme on a dit. Tu sais, notre histoire c'est maintenant qu'on écrit. Moi ton visage peut en faire un livre, un film ou un disque. Maintenant à toi de savoir si tu veux prendre nos risques. Chaque nos rêves on peut les vivre qu'ensemble. Pour moi l'amour c'est ensemble. Le cœur ensemble, je suis même prête à ce qu'on meure ensemble. J'ai trouvé mon bonheur dans l'interdit de la loi. Je prouverai qu'au-delà des guerres, bah l'amour reste droit. Au-delà des peines, de l'âge et des couleurs, au-delà de tout ça, moi je t'aime de rage et de douceur. Donc je briserai les barrières qui me mèneront à toi. Car toi et moi, j'aimerais que l'on devienne trois. Comment mêler nos deux vies? Comment? Au-delà de nos pays, brisons les frontières que rien nous sépare. Rien nous sépare. Comment mêler nos deux vies? Comment? Au-delà de nos pays, au-delà de nos religions. Car nos deux cœurs s'aiment. Comment mêler nos deux vies? Comment? Au-delà de nos pays, brisons les frontières que rien nous sépare. Nous sépare. Comment mêler nos deux vies? Comment? Au-delà de nos pays, au-delà de nos religions. Car nos deux cœurs s'aiment. Comment mêler nos deux vies? Au-delà de nos pays. Comment? Car nos deux cœurs s'aiment.